Chapitre 11e. Un avoué anglais à table. Aux alentours du manoir d'Eastline, on entendait le vent gémir et se lamenter. On le voyait courber au loin la cime des hauts peupliers, agiter les ormes et les chênes du parc, et faire frissonner les beaux vieux châtaigniers. Il y avait dans les caprices de ce vent un mélange de tristesse et de grandeur. Le ciel avait perdu sa lumière et sa chaleur, et une lourde légion de sombres nuages menaçait d'inonder la plaine. C'est du moins ce que craignait un voyageur qui parcourait une route solitaire le soir de certains samedis. Il était à pied, en uniforme de marin. Ses cheveux noirs, ses moustaches noires, étaient naturellement bouclés. Une paire d'énormes favoris et le col bleu de sa tunique lui cachaient en partie le visage. Son chapeau verni de matelot, abaissé sur les yeux, achevait de voiler ses traits. Sa large et grossière tunique était ornée d'encre, et un ceinturon de cuir serré en le retenant autour de sa taille, un pantalon large et grossier comme la tunique. Il entra sans hésiter dans cette ruelle aux bœufs déjà mentionnée dans ce récit. De là, passant par une petite porte peu fréquentée, il se trouva sur les terres d'Eastline. « Examinons un peu, » se dit-il en poussant la porte derrière lui et en la fermant au verrou. « Une allée couverte. Elle doit se trouver près des acacias. Alors, prenons à droite. Vais-je au moins trouver quelqu'un pour me recevoir ?»« Oui, on était fidèles au rendez-vous. » Quelqu'un se promenait dans l'allée couverte. C'était la sœur de Richard, la femme de Carlyle. « C'est Richard, c'est mon pauvre frère. » Leurs bras s'entrelacèrent, leurs cœurs battaient à l'unisson. Barbara pleurait comme un enfant. « Pour quel motif me fais-tu venir, Barbara ?»« Il paraît que Thorne... »« Tu saurais le reconnaître, n'est-ce pas, Richard ?»« Le reconnaître ? Mais elle ne l'oubliera jamais. » »« Sais-tu qu'on se dispute à Westline le titre de membre du Parlement ?»« Oui, les journaux me l'ont appris. » Carlyle et Levison sont les deux candidats. Dis-moi, Barbara, comment a-t-il osé se montrer ici, faire concurrence à Carlyle, après lui avoir enlevé sa femme? Je l'ignore. Je m'étonne aussi qu'il vienne dans ce pays, mais pour d'autres raisons que les tiennes. Avant tout, apprends-moi, Richard, comment tu as connu Sir Francis Levison? Tu as assuré que tu le connaissais et que tu l'avais vu avec Thorne. Oui, je le connais et je l'ai vu deux fois avec Thorne. Tu ne le connais que de vue, je présume. On me l'a fait voir. J'aperçus Thorne se promenant bras dessous avec un monsieur. Je les indiquai du doigt à une de mes connaissances qui se trouvait là. « Connaissez-vous cet individu ? » dis-je en montrant Thorne, car je voulais savoir qui l'est réellement. « Eh bien, je n'y réussis point. » La personne en question, me répondit-on, je ne la connais pas. Quant à son compagnon, c'est Levison, le baronnet. « Et voilà comment tu as connu Levison ? » Pas autrement. « Eh bien, Richard, toi et ta connaissance, vous ne vous êtes pas bien compris. » On t'aura mal expliqué ou tu auras mal vu. Thorne est tout simplement Sir Francis Levison. Richard la regardait tout ébahi. Tu rêves, ma sœur? Non, je ne rêve pas. C'est ma conviction depuis cette nuit où tu l'as rencontré dans la ruelle aux bœufs. D'ailleurs, Carlyle en est également persuadé. Et je te dirai même que toi et Bethel et Ebenezer l'ont tous deux reconnu. Ils doivent parbleu le connaître l'un et l'autre. Barbara! Richard poussa cette exclamation avec un accent de terreur, puis s'enfonça derrière les arbres. Il avait aperçu quelqu'un. C'était un homme grand, que l'obscurité grandissait encore, et qui s'avançait de l'autre bout de l'allée. Richard sortit de l'ombre où il s'était réfugié. Il ne craignit plus rien, c'était Carlyle. « Eh bien, Richard, vous avez donc toujours peur ?» fit l'avoué en lui serrant la main. « Vous avez changé de costume, à ce que je vois. Avec mes anciens habits, je ne pouvais pas revenir ici. On m'aurait reconnu. J'ai acheté cette défroquière, le tout 50 francs. On m'a, je crois, écorché. » J'apprends de ma sœur que Levison et ce scélérat de Thorne ne font qu'un. C'est vrai, Richard. Du moins, on me l'assure. Cependant, vous ferez bien de tâcher de voir ce Levison afin d'en juger par vous-même. Quand pourrais-je le voir ? Demanda Richard avec feu. Il faudra viser un moyen quelconque. Vous pourriez rôder près de l'entrée de la taverne du Corbeau, dans la soirée, par exemple. Vous seriez sûr de le voir, car il ne fait qu'aller et venir. Personne ne vous reconnaîtra, ne songera à vous. Ils ont tous la tête tournée par les élections. Je serai un objet de curiosité. Il y a peu de marins à Westline. On ne vous remarquera point. Nous avons ici un ours de Russie. Vous n'êtes rien auprès de lui. Un ours de Russie, répéta Richard, tandis que Barbara riait. Otto et Bethel est revenu vêtu d'une peau d'ours. Voilà d'où lui vient son nouveau nom. Arrivons-nous à savoir s'il a pris part à l'assassinat ? Soupira Carlyle. Richard secoua la tête. Il ne le pouvait pas. Je l'ai toujours dit. Mais Levison, si je le reconnais pour être Thorne, quelle démarche y aurait-il à faire ? Voilà le point difficile, murmura Carlyle. Qui commencera l'attaque ? Vous-même, Richard. Moi, vous voulez que j'agisse moi-même ? Assurément. Qui voulez-vous que ce soit ? Mais vous, Monsieur Carlyle ? Jamais, il s'agit de Levison. Pourquoi ces scrupules, Monsieur Carlyle ? Tout autre mari à votre place saisira avec empressement l'occasion de se venger. Je poursuivrai l'assassin de Harley John jusqu'à l'échafaud, mais c'est le séducteur de ma femme. Oh, que de fois ! Depuis qu'il ose reparaître à Westline, j'ai dû me faire violence pour ne pas le frapper de ma cravache. Tu es là à coup de cravache, il le mérite bien. Non, je l'abandonne à celui qui a dit « à moi la vengeance ». Alors, s'écria Richard d'un air sombre, je dois renoncer à l'espoir de me voir jamais justifié. Vous auriez tort, suggéra Carlyle. Celui qui devrait agir dans cette affaire, c'est votre père, mon cher Richard, mais il ne le veut pas. Votre mère, elle, ne le peut pas. Barbara et moi, nous avons les mains liées. Ainsi, il ne vous reste que vous-même. Et que puis-je faire, moi ? Si vous avez les mains liées, j'ai le corps enchaîné tout entier. Je ne puis que compromettre ma cause. Agir par vous-même et pour vous-même n'est pas vous compromettre. Il faut rester quelques jours encore dans le voisinage. Je n'ose pas, dit Richard effrayé. Écoutez-moi, Richard. Écartez ces craintes pusillanimes ou résignez-vous à demeurer toujours sur le poids de l'accusation qui vous accable. Songez qu'il s'agit autant du bonheur de votre mère que du vôtre. Il y a plus. Il y va de sa vie. Non, mes conseils ne cachent pour vous aucun péril. Vous nous disiez qu'il y a un endroit, 1 ou 2 miles d'ici, où vous pouvez séjourner sans danger. Oui, j'en connais un. Mais je me sens plus en sûreté encore quand je m'en éloigne. Eh bien là, Richard, doit être votre quartier général pour 2 ou 3 jours. J'ai creusé ce terrain et je vous fais part du résultat de mes réflexions. Non pas que je me mêle de cette affaire, c'est un avis préliminaire que je vais vous donner. Préliminaire. Alors je ne suis pas prêt d'arriver à mon but. Voyons, quel est cet avis ? Adressez-vous à Burley Treadman et faites en sorte qu'il se charge de l'affaire. Je ne vous comprends pas, Monsieur Carlyle. Que me conseillez-vous d'aller tout droit me livrer au magistrat ? Burley Treadman m'y enverrait dès qu'il m'aurait aperçu. Vous ne m'entendez pas, Richard. Je ne vous dis pas d'aller à leur étude, comme le ferait tout autre client. Voilà ce que je vous conseille. Faites-vous un ami de Monsieur Ball. Il est bien disposé pour vous. Racontez-lui tout à lui seul. Si vous le persuadez de votre innocence et de la culpabilité de l'autre, et les faits le persuaderont, il se chargera de l'affaire. Treadman n'a pas besoin de rien savoir d'abord, et quand Ball mettra tout en branle, il pourra même ignorer que vous êtes ici. Ball me revient, c'est, et s'il me donne sa parole, je compterai sur lui. Mais comment l'amener à donner une promesse ? Je m'en charge. Je lèverai ses difficultés, mais je m'en tiendrai là. S'il se charge de l'affaire, comment s'y prendra-t-il ? Cela le regarde. Je sais, moi, comment je m'y prendrai. Et comment, s'il vous plaît, Monsieur Carlyle ? Richard, vous n'attendez pas que je vous le dise, autant vaudrait agir en votre place. C'est juste. Vous iriez droit au but et feriez arrêter Levison comme assassin. Un sourire effleura les lèvres de Carlyle, car Richard avait deviné. Mais là s'arrêta l'indiscrétion de son visage. « Mais enfin, » reprit Richard, « par où faut-il que je commence ?»« Il faut commencer, mon cher Richard, par vous rendre à ce lieu de retraite que vous connaissez et vous y tenir quoi jusqu'à lundi. Lundi, à la brune, retrouvez-vous ici. Pendant ce temps-là, je verrai Ball. Mais, à propos, avant de lui parler, il faut que je sache de vous si Thorne et Levison sont le même individu. Je vais courir à la taverne du Corbeau sur le champ, » s'écria Richard, et j'en reviendrai dans cette allée dès que j'aurai pu le voir. » Ce disant, Richard partit et arriva bientôt devant la taverne du Corbeau. Il est à peine auprès de l'auberge qu'il en vit sortir de messieurs bras dessus, bras dessous. Comme c'était le quartier général de l'un des candidats, les oisifs de l'endroit trouvèrent que ce devait être le leur aussi, de sorte qu'on en y voyait continuellement circuler curieux et compères. Richard, le chapeau bien enfoncé sur les yeux, les cheveux bien ramenés sur le front, n'était qu'un badaud de plus dans la foule. En voyant sortir les deux messieurs, il s'éleva un cri de « Vive Levison !» Richard ne faisait pas chorus, mais son pouls battait et son cœur bondissait. L'un était Thorne, l'autre, le monsieur qu'il avait vu à Londres avec Thorne. C'était celui qu'on lui avait désigné, il le croyait du moins, comme étant Sir Francis Levison. « Lequel des deux, Levison ? » demanda-t-il à un homme qui se trouvait auprès de lui. « Quoi ? Ne le savez-vous pas ? C'est celui qui tient son chapeau à la main, qui nous salue. » Il n'eut pas besoin d'en demander davantage. C'était le Thorne des souvenirs de Richard. Et son compagnon, ajouta vivement Richard, comment l'appelle-t-on ? Son nom est Drake, il vient de Londres. Richard, muni de ses renseignements, retourna sur le champ à Eastline pour les communiquer à Carlyle. Le lendemain matin, de bonne heure, Carlyle se présenta chez Ball. Aux yeux de Maître Ball, Carlyle était un objet de respect et d'admiration. Les clients que Carlyle dédaignait, il les lui adressait. Néanmoins, quoique de la même profession, l'un ne marchait pas à l'égal de l'autre. Bol le sentait bien et se soumettait. L'un était un gentleman accompli, l'autre un mince avoué de province. Maître Bol déjeunait quand on introduisit Carlyle. « Tiens, c'est vous, monsieur Carlyle, de si bonne heure. Ne vous dérangez pas, ne sonnez pas, j'ai déjeuné. C'est un pâté de foie gras délicieux, incomparable, que j'ai fait venir directement de Strasbourg. » Carlyle tint bon et refusa. « Je suis venu, dit-il, non pour déjeuner, mais pour parler affaires. Mais avant de commencer, donnez-moi votre parole, que si vous n'acceptez pas ma proposition, vous me garderez le secret. » « Assurément, je vous le promets. Voyons de quoi s'agit-il. C'est quelque chose dont ne s'accommode pas la délicatesse de la maison Carlyle, sans doute. C'est un client de ceux qui n'entrent pas dans vos catégories exclusives. C'est un client pour lequel je ne puis pas agir moi-même, mais non pour les raisons que vous pensez. Il s'agit de l'affaire de Hallijohn, » continua Carlyle, s'approchant de son confrère et baissant la voix. « L'assassinat, vous savez. » Maître Bol, qui venait de porter à sa bouche une énorme et délicieuse bouchée de pâté, se hâta de l'engloutir sans la savourer. « Mais cela est une vieille histoire, une affaire morte et enterrée. »« Pas tout à fait. Il s'est produit de nouvelles circonstances qui tendent à établir l'innocence de Richard Hare et qu'un autre est l'assassin. »« De complicité avec lui ?» interrompit Bol. « Non, mais le seul assassin. Richard n'y est pour rien. Il y a un alibi en sa faveur. »« Et vous donnez là-dedans ? Pourquoi pas ? Alors qui a fait le crime ?» Richard accuse un nommé Thorne. Il y a bien des années, 10 ans au moins, j'ai eu une entrevue avec Richard et il me révéla certains faits qui, s'ils sont exacts, le justifient complètement. Depuis, ma conviction n'a fait que se fortifier petit à petit, incident par incident, et aujourd'hui, je parierais ma tête qu'il est innocent. Il y a longtemps que je me serais mêlé de cette affaire, quelle qu'en dût être l'issue, si j'avais pu mettre la main sur ce Thorne. Mais il était introuvable. Pas le moindre renseignement sur son compte. Ce nom même de Thorne n'est pas le sien. Peut-on le retrouver maintenant ? « Oui, il est à Westline. Comprenez que je ne l'accuse pas. Je n'émets pas d'opinion sur son crime, mais j'affirme l'innocence de Richard. J'ai toujours eu l'intention et le désir de me charger de la cause de Richard dès que je verrai jour à le faire. Aujourd'hui, le moment est arrivé, mais un obstacle m'en empêche. Quel peut être cet obstacle ? Voici ce qui m'amène, » dit Carlyle, sans répondre à la question. « Je viens de la part de Richard. Je l'ai vu récemment, et j'ai causé avec lui. Je lui fais part des raisons qui m'empêche d'agir moi-même, et je lui ai conseillé de s'adresser à vous, lui promettant de venir ici préparer la marche. Consentez-vous à voir Richard, à causer avec lui ? Promettez-vous qu'il pourra se retirer incognito et sans danger, quand même vous n'accepteriez pas sa cause ? Je le promets. Je n'ai nulle envie de nuire au pauvre Richard, qu'il me convainque de son innocence et je ferai tous mes efforts pour sauver sa cause. Je vous remercie en son nom, » fit Carlyle. « Mais enfin, quel motif vous empêche d'être vous-même son avoué ? Je ne demanderai pas mieux que d'agir pour lui, mais je ne veux pas poursuivre l'individu qui l'accuse. » Ces mots ne firent qu'irriter la curiosité de Maître Bol. « Monsieur Carlyle, je ne puis pas deviner qui est cet individu. Cela vous sera plus facile sans doute, quand Richard vous aura fait ses confidences. Ce ne peut être son père qui l'accuse. Maître Bol, vous battez la campagne. Parbleu, vous avez raison. Un fils accusait son père, » s'écria l'avoué, reculant sa chaise et jetant sa serviette sur le tapis. « Et cependant, je ne vois que le juge Hare, contre qui il vous répugne de procéder. Qui avez-vous aménagé dans Westline quand il s'agit de blanchir le pauvre Richard ? J'y renonce. »« Vous faites bien, » ajouta Carlyle en se levant. « Voyons maintenant par quels moyens nous vous mettrons en présence de Richard. Où pourrez-vous le voir ? Est-il à Westline ? Non, mais je puis l'y faire venir. Quand ? Ce soir, si vous voulez. » « Eh bien, qu'il vienne ici, dans cette maison, il y sera parfaitement en sûreté. Soit. Maintenant, mon rôle est terminé. » Et Carlyle se retira, tandis que Maître Bol le suivait des yeux. « Voilà une drôle d'affaire. On croirait que Richard accuse quelque ancienne maîtresse de Carlyle, quelque demoiselle, quelque dame que lui-même n'ose pas attaquer. »